Ronnie Khalil aime Stephen King, Monroe Mann aime Stephen King, Jorge Valdez-Higa aime Stephen King, Bob Madia aime Stephen King, Ronnie Khalil, Monroe Mann, Jorge Valdez-Higa et Bob Madia ont écrit et réalisé You Can't Kill Stephen King. Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Bonjour Chris. Bonjour, pourquoi j'entends une espèce de rigolade dans le fond de ta voix? Ah, parce que je sais qu'on va parler d'un grand film encore une fois. C'est une anticipation du sujet du jour. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Ah oui. Ouais. Rigoler bon, ça va quand même, et déprimé un peu aussi. Ouais, peut-être un peu, ouais, peut-être. Mais oui, ça va. Quoi de neuf Bon, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Et toi? Bon, moi, pareil. Pas grand-chose. Montage des prochaines vidéos. Pas mal de projets en même temps. Donc, ça va. Je suis bien occupé, au moins. Oui, voilà. C'est rien de nouveau, mais c'est toujours les mêmes trucs en cours. C'est les... Ouais, voilà, c'est ça. Pareil pour moi, qui, avec Twitch. Qui, au moins, occupe. J'ai fini mes premiers jeux sur Twitch. Ça faisait longtemps que j'avais pas fini de jeux vidéo, je crois. Oui, donc je suis à la recherche de la suite. Tu as fini Fanbro et Alan Wake. Ouais, qui étaient tous les deux très bien. Fanbro, je sais que les studios ont fait un deuxième jeu, donc je vais aller faire deux, trois autres trucs entre-temps, mais je réessaierai leur prochain jeu, je pense. Surtout qu'on m'en a dit du bien aussi. À Fanbro, j'étais venu te voir juste pour le premier live, mais parce que vu que le jeu m'intéresse... Pour éviter oui, le spoil. Oui, tu voulais pas te spoiler. Exactement. Oui. C'est Little Miss Fortunes, leur deuxième. Alan Wake, c'est con, parce que je l'ai fait, donc j'aurais pu venir, mais à chaque fois, ça tombait sur des jours où moi-même, j'étais occupé. Oui, bon, c'est pas très grave. Hein. Mais du coup, Alan Wake, ça, on va enfin pouvoir peut-être en parler un jour, même s'il faudra peut-être que tu le refasses de ton côté. Je sais pas si tu l'as un peu dans ta mémoire. Ça fait très longtemps, mais quoi qu'il en soit, c'est pas un jeu bien long, donc... Oui, c'est ça. 6 mois, il m'a pris une dizaine d'heures en galérant un peu à certains moments. Toi, tu pourrais le faire plus vite, je pense, encore. Bah, puis vu que je l'ai déjà fait, à la limite, moi, je peux le faire en mode facile, histoire que ça aille encore plus vite, tu vois. Ouais. Parce que je suis plus en recherche de challenge, là, c'est juste pour revoir surtout l'histoire. Parce que c'est ça qu'on aborderait principalement. Bah, c'est ça, oui, effectivement. Oui, tu l'avais fait à sa sortie, toi? Yes. Ouais, donc effectivement, ça fait... Ça fait quasiment 15 ans maintenant, c'est 2010, je crois, ou 2011. Ouais, j'ai plus la date exacte en tête, attends. Le 2 a mis très longtemps à arriver, en tout cas. Ouais, parce que le premier n'a pas été un succès incroyable hein, en termes de vente. 2012, non, 2010. 2010 sur 360 et après 2012 sur PC. D'accord, je pensais justement que c'était un jeu qui avait bien marché, vu qu'il a un petit statut culte, j'ai l'impression, mais ça s'est acquis avec le temps, du coup, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. C'est un jeu qui a coûté beaucoup d'argent aussi. Bah ouais, il est pour l'époque, il est quand même plutôt chiadé, effectivement. Avec de la motion capture et tout. Ce qui n'était pas forcément commun à tous les jeux de l'époque. Non, effectivement. Bah, et puis il y a quand même des grosses maps pour l'époque, là aussi. Tout est très guidé, évidemment. Il n'y avait pas encore les mondes ouverts, mais il y a quand même de la grosse map pour l'époque. Ceci dit, heureusement que c'est pas du monde ouvert, parce que j'ai déjà réussi à me perdre, donc qu'est-ce que ça aurait été dans un monde ouvert? Après, en même temps, c'est des forêts quand même, c'est des environnements qui se ressemblent tous. Ouais, mais même quand c'était des moments sur des routes, je me perdais, je sais pas comment je faisais. Du moment que je sortais un peu de la route, c'est bon, c'était parti pour 10 minutes à essayer de la retrouver, même si je m'étais éloigné de 10 mètres. Comme dans la vraie vie, quoi. C'est ça. Vraiment un simulateur de vraie vie, d'une certaine façon, le jeu, pour moi. Non, il faut pas qu'il t'arrive des trucs incroyables comme ça, parce que sinon, jour 1, c'est fini. Ah oui, non, mais moi, c'est pas les phénomènes paranormaux que je crains, c'est tout le reste. C'est ton sens de l'orientation. C'est ça qui me perdra. Moi, le vrai film d'horreur dans ma vie, c'est si la vie, ça devient GeoGuessr. Bon, je propose qu'on y aille, donc, pour le sujet du jour. Oui, allons-y, assez de digression comme ça. Qu'on va donc spoiler. Il ne s'agit pas de l'adaptation d'un récit de King, donc on ne va pas vous spoiler de livre ou de nouvelle. Il s'agit d'une œuvre qui fait référence à King et qui rend hommage à son univers. C'est parti! Every so often, a horror film comes around that breaks all the rules by not breaking a single rule. In a quiet town, on a tranquil lake, slightly to the right from these creepy woods, near this dilapidated gas station, lives America's greatest horror writer. I can't believe you came along just to see Stephen King. But when these six stereotypical characters with weak story arcs, you just want to be alone with three hot girls, disturb the peace in this town of overacting antagonists, they'll realize when you go in search of your favorite author. What kind of animal attacks a man at a gas station in the middle of the day? It doesn't always have a happy ending. Semi-inspired by the disturbed mind of best-selling author Stephen King, comes a movie that has it all. Fake blood, hot babes, babes on babes, fog, more fog. Who's there? Creepy twins. Low-budget, gratuitous violence. High school drama. What happened is your boyfriend was making out with a girl that I was gonna marry. Oh, give me a break. The token black man. And of course, cheesy Stephen King references. Where's Ronnie? This summer, horror is king. Don't you think two of our friends dying qualifies us for serious danger? Not just serious danger. Donc, You Can't Kill Stephen King nous raconte l'histoire de six adolescents, pardon, qui se rendent en vacances dans le Maine, sur le lac où Stephen King a sa propre maison. Il y en a un d'entre eux surtout qui est très très fan de son œuvre, sauf que dans la ville où ils sont, les gens ne sont pas très accueillants et il va commencer à y avoir des phénomènes étranges, et puis ils vont commencer à se faire tuer. Un par un. Tintintin. Le projet des réalisateurs scénaristes, c'était de faire un film parodique. Les réalisateurs disent en interview qu'ils ont regardé beaucoup de films d'horreur des années 80 et 90 afin de bien en connaître les codes, et ils disent qu'il a été difficile de trouver l'équilibre justement entre les gags, d'embrasser tous ces codes-là et de s'en moquer pour les briser tout en gérant l'implication émotionnelle pour les personnages. Implication quoi? On y reviendra. Pour l'instant, je dis les choses, je fais l'avocat de la partie civile pour le moment. Voilà. C'est pendant des vacances dans le Maine, donc, qu'ils ont eu l'idée d'utiliser son œuvre comme sorte de... comme centre de leur intrigue. C'était la maison familiale de Monroe Man, apparemment, dans laquelle ils étaient. J'ai pas confirmation, mais a priori, je pense que c'est aussi celle où ils ont tourné. Ça, je suis pas sûr à 100%. Le troisième scénariste qui arrive, c'est Bob Madia. Au début, les deux qui s'en mêlent, ce sont Ronnie Khalil et Monroe Man. Et ils appellent Bob Madia pour reprendre un peu le scénario, parce que c'est celui des trois qui connaît le mieux l'œuvre de King et qui va amener une bonne partie des références, d'après ce qu'ils disent. En regardant les classiques des années 80-90, ce que nous avons le plus aimé était le sérieux avec lequel tout le monde prenait les moments ridicules. Alors, nous avons fait de notre mieux pour tout prendre au sérieux et filmer à la façon d'un film des années 90. Nous avons aussi fait de notre mieux pour inclure tous les personnages clichés, les dialogues ridicules qui font avancer l'intrigue sans raison, la scène idiote de ski nautique, tout est volontaire, mais nous ne voulions pas que les personnages soient conscients de ça. Visiblement, ils ont envoyé le script à King avant le tournage, mais ce dernier a décliné la proposition de faire un caméo dedans. Par contre, par la suite, il va, par exemple, partager le trailer sur son site, donc il était conscient du projet. Le troisième réalisateur qui est appelé pour participer, c'est Jorge Valdés Higa, qui est aussi le directeur de la photo sur le film. Je n'ai pas de confirmation sur pourquoi ils ont appelé un troisième réalisateur dans les différentes interviews que j'ai pu lire, mais je pense que c'est parce que c'est celui qui avait le plus de bagages pro derrière lui, donc potentiellement celui qui avait la possibilité de gérer un peu au niveau technique. Tandis que Ronnie Khalil et Mon Roman étaient beaucoup plus des débutants à l'époque de ce film-là. Je le dis toujours aujourd'hui vu qu'ils n'ont pas fait grand-chose d'autre. Mais bon. Donc Jorge Valdés Higa, il a travaillé sur deux films depuis, dont un truc qui s'appelle With a Kiss I Die, qui a très mauvaise presse dans les critiques que j'en ai vues, mais le principe est rigolo, c'est ça reprend Juliette, de Roméo et Juliette, en imaginant qu'elle a survécu parce qu'elle a été changée en vampire alors qu'elle était en train d'agoniser, et qu'elle retrouve un nouvel amour qui lui permet d'oublier Roméo des siècles plus tard. Voilà. Effectivement, le pitch est... Et a priori, c'est une romance lesbienne en plus, donc il y a un truc un peu intéressant, mais visiblement, c'est pas très bien. Et le trailer donne pas envie, il faut bien l'admettre. Récemment, il a bossé aussi sur une adaptation d'Antigone. Voilà, c'est une légende que j'aime beaucoup, Antigone, donc là aussi, ça m'intéresse presque un peu. L'autre scénariste, Bob Media, il a une poignée d'autres crédits, mais sur lesquels je ne trouve pas grand-chose, dont un film appelé Hunting Evil en 2019, qui a l'air d'être un film d'horreur bas de gamme. Ouais. Mon Roman, qui est donc un des scénaristes, un des réals, et qui joue aussi le rôle de Monroe au casting, donc le héros revenu de la guerre, là, qui a un traumatisme de la guerre en Irak. Oui. En dehors de ça, il a fait un peu de théâtre, quelques courts-métrages, mais quasiment rien depuis You Can't Kill Stephen King. Ronnie Khalil, donc lui aussi réal, co-scénariste, et qui joue le personnage de Ronnie, donc le nerd fan de Stephen King. Depuis, alors, en fait, quasiment au même moment, il a fait une web-série qui s'appelait Bathroomies, et il est aussi sur With a Kiss I Die, voilà. Bathroomies, je suis allé regarder sur YouTube parce que tous les épisodes sont dispo et c'est des épisodes de 3 minutes et il y en a que 6. Ça va vite. L'histoire, c'est 3 mecs qui vivent en colocation dans une salle de bain et qui accueillent une nana. Voilà, je te laisse imaginer tout ce que t'as vu de You Can't Kill Stephen King et imaginer où ça peut aller avec un pitch comme ça. Oh mon dieu. C'était qu'une vingtaine de minutes, mais elles ont été longues. Et c'était même qu'une dizaine de minutes parce que j'étais en accéléré, faut pas déconner. Hilary est jouée par Crystal Arnett. Donc Hilary, c'est la sœur du protagoniste. Elle a participé depuis à 2 web-séries, The Hunted encore et The Hunted NYCSS, en tant que réalisatrice. Les deux, c'est des séries de lutte contre des vampires. La première, c'est un groupe musical, et donc la série est une comédie musicale. Et l'autre, c'est un groupe de cascadeurs de théâtre. Pitch est un peu rigolo. Oui. Et j'ai pas réussi à voir à quoi ça ressemblait, mais voilà. Elle a joué aussi dans une série appelée Unicorn Land, et elle est sur un projet qui s'appelle On Returning, qui est un documentaire a priori sur les racines et sur le retour aux racines d'une personne coréenne. Voilà. Donc, c'est la plus active et celle qui a les projets les plus intéressants en réalité de tout le casting. Ok. Celle qui joue Nicole, c'est Kylie Blogmna, donc c'est la petite amie Nicole. Elle a continué une légère carrière dans la web-série Rockstar Café, par exemple, mais rien depuis 2015. Et la dernière, l'avant-dernier perso, Laurie, donc c'est la bimbo, hein, elle est plus ou moins réduite à ça. Elle est jouée par Kate Costello, pareil, une vague carrière depuis, mais pas grand-chose. Et enfin, le meilleur pote noir, Lamon, est joué par Justin Brown, qui depuis a joué dans une série appelée Death Leaves. Il a joué dans différents sketchs de College Humor et des trucs par-ci par-là, mais pareil, pas grand-chose. Le tournage dure 3 semaines avec de très longues journées de travail et toute l'équipe, acteurs et équipe technique, donc ça fait 25-30 personnes, vivait dans la même maison bien trop petite pour une telle équipe, ce qui a priori a mis une ambiance vraiment mauvaise sur le tournage petit à petit. Ah. un court reportage JT sur le tournage et a interviewé Monroe Mann qui dit qu'un jour il a croisé King dans un centre commercial et qu'il lui a demandé s'il savait qu'on tournait un film sur son œuvre en ce moment, sans préciser qu'il faisait partie de l'équipe. Et King a répondu oui, et quand Mann lui a demandé ce qu'il en pensait, King a répondu « ça ne me rend pas particulièrement heureux, mais je n'y peux rien ». Voilà, donc un projet adoubé par l'auteur. L'autre, il a dû... il a dû tellement mal le prendre. Oui. Ah la vache. La musique est de Bruce Chinese, qui n'a pas fait des masses d'autres choses en dehors de ça, et le film est diffusé au départ au Lewiston Auburn Film Festival, donc c'est un festival qui se tient dans le Maine, hein. Lewiston Auburn c'est dans le Maine. Il gagne le prix du public en 2012, mais du coup est-ce que ça veut dire quelque chose étant donné qu'il jouait à domicile? Bon. Ouais. Mais il faudra attendre plus de 2 ans, puisque c'est seulement en décembre 2014, le 9, bonne date, pour que le film sorte en DVD. D'accord. A priori, il était déjà sorti dans d'autres endroits avant, il avait déjà été diffusé à la télévision turque. Je sais pas pourquoi. Et dans des cinémas au Japon, et il avait été distribué en DVD en Australie. Autant l'Australie, je peux comprendre, tu vois, il n'y a pas besoin de faire de sous-titres ou de doublage ou quoi oui, que ce soit. Voilà. Autant la Turquie et le Japon, là, ça m'échappe déjà un peu plus. Mais Vache. Pourquoi pas. Peut-être des pays où l'œuvre de King est très appréciée, on sait pas. C'est la seule explication que je vois. Au Japon, je crois qu'effectivement, il est un peu réputé parce que j'ai déjà régulièrement vu des auteurs et autrices japonais évoquer King. Oui. En Turquie, j'en avais pas la moindre idée, mais c'est possible. En même temps, est-ce que tu te renseignes souvent sur, sur les goûts littéraires des Turcs? Non, c'est vrai que c'est un sujet auquel je me suis pas beaucoup intéressé dans ma vie, c'est pas faux. Voilà. Le film est actuellement à 4,1 étoiles sur Sens Critique, parce qu'il n'y avait pas de note Allociné, mais c'est l'équivalent de 2 sur Allociné, puisque Sens Critique c'est noté sur 10, ce qui le placerait 58e à égalité avec Cimetière 2 et Maximum Overdrive, et il a 15% de score d'audience sur Rotten Tomatoes, ce qui le placerait 66e à égalité avec La Tour Sombre, La Peau sur les Os et là aussi Maximum Overdrive. Très bien, bah c'est tout ce que j'ai sur le film, parce que autant il y avait eu plusieurs interviews à l'époque, mais elles sont assez répétitives, autant depuis personne n'en a parlé, parce que bah, pas grand monde ne l'a vu en réalité, ça a été une diffusion tout de même pas mal confidentielle. Oui. Donc on va tout de suite pouvoir passer à nos avis, et je t'écoute. So, I hear your parents are dead. Oh! If it's too personal, I'll promise not to tell anyone. Look, they died when Monroe and I were little kids. No one really knows how. I mean, if they did, they never told us, so. Our grandparents never talked about it, and our grandma just died, so... Yeah, we'll never know. Wow. That totally sucks. Yeah. It really, really sucks. Bah c'est pas bien, ça sert à rien de tourner autour du pot, c'est vraiment pas bien. Et encore il y a des films qui sont pas bien, mais où tu pourrais trouver une excuse en disant oui petit budget, voilà il y a des trucs qui ont pas pu être faits comme ils l'auraient voulu. Mais là non, là en fait il y a pas d'excuse parce que même les trucs qui auraient pu être réussis avec peu de budget, c'est-à-dire l'écriture, les blagues, les personnages, sont totalement ratés. On est face à un film ultra beauf qui ne fait faire que des clins d'œil, mais en plus des clins d'œil à l'œuvre de King en mode « je te tape sur l'épaule, je te mets des grands coups derrière le dos, hey, regarde, c'est rigolo, c'est un clin d'œil non, c'est nul. C'est totalement nul. Bah vas-y, avant de plus parler, je pense qu'on est pareil, mais je te laisse... Ouais, oui, bah je suis d'accord, c'est complètement nul. Il y a... Bah on sent le côté assez amateur, c'est ni très bien joué, ni très bien filmé, ni très bien écrit. Et pour moi, il y a plein de problèmes, même au-delà, effectivement, des références à Love the King qui sont super intrusives et qui sont très superficielles et pas bonnes. Je comprends pas bien le projet. Au final, pourquoi, en 2012, reprendre les codes et parodier les slashers des années 80-90, quand finalement, c'est des codes qui ont déjà été parodiés, des codes qui ont déjà un peu évolué. Quel est le projet au final? Bah, et puis surtout quand c'est des codes quand c'est des codes que King n'utilise même pas, en fait. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Ça donne un film qui, sur pas mal de points, est assez offensant, je trouve, mais ça, on va probablement y revenir, et qui, effectivement, n'est jamais réussi et ne constitue même pas un bon hommage. Voilà, c'est ça. Oui, parce que il y a des clins d'œil qui auraient pu être réussis. Typiquement, le fait que l'espèce de bateau sur lequel il monte, là, s'appelle Christine, ça aurait pu être réussi si... la caméra ne mettait pas 10 000 ans sur le nom Christine et qu'il n'y avait pas des hurlements en fond sonore pour bien te faire comprendre que ça vient de là, quoi. Oui, ah bah les références dans l'ensemble sont pas subtiles. Hein. C'est non, vraiment, elles arrivent de manière très bourrine, donc ça marche pas. Après, en fait, dès le début, on peut s'inquiéter. Dès la première scène, je sais pas si quand t'as la nana qui court dans la forêt et qui se prend un coup de pelle, on voit que le coup de pelle il passe à 10 km. Oui. C'est censé être leur séquence d'ouverture, ils auraient pu un peu la soigner, on va dire. Oui, oui. Après, c'est suivi par une séquence où, avec la présentation des personnages, et là on comprend direct qu'on est dans une œuvre ultra beauf. Ouais, j'en ai noté pour certains, pour vous donner une idée. Je traduis, hein, parce que le film est évidemment pas doublé, évidemment en VO, mais je traduis le vocabulaire d'origine. Oh, tu fais bien, c'est vrai que on en a besoin. Ouais, c'est ça. Nicole, alors non, c'est Nicole, la bimbo, pardon, j'ai inversé elle et Laurie. Elle est décrite comme une attention whore et great pair of personality, pour parler de ses seins, voilà. Donc voilà. Grosse paire de personnalités pour les non-anglophones. Voilà. Hilary, la sœur, elle est décrite comme un trou noir du fun. Voilà. Et enfin, Monroe... L'expression est rigolote encore. Ouais, l'expression est rigolote, sauf que ça va pas être du tout tenu au final, en plus. Voilà, c'est le personnage le moins tenu du casting. Et Monroe, il est décrit comme soumis à sa copine, comme si c'était un défaut dès le départ. Voilà. Oui. Et t'as oublié l'autre, là, le fan de King, là. Mais oui. J'ai oublié ce qu'ils en disent. Bah, ce qu'ils en disent au tout départ, c'est pas forcément mal. Ça va devenir le pire personnage, je trouve, très rapidement. Mais dans sa description, c'est pas le plus. Celui oui, où on fait le plus attention. Mais oui, alors. Voilà. C'est le personnage le plus beauf et le plus détestable de tout le film. C'est ça, c'est par la suite, très rapidement en réalité, qu'il va dériver. Ceci dit, dès qu'il commence à parler, on comprend pas bien pourquoi ses potes traînent avec lui, parce que c'est tout le temps un connard. Bah oui, c'est ça, tu comprends pas. Après, il y a la scène où ils vont donc au resto, au diner, et où ils sont, on leur dit de pas rester là. Nouvelle référence, parce qu'il y a une mère et un fils qui s'appellent Wendy et Danny. Ah, j'avais pas tilté, tiens. Ah ouais, t'avais pas fait gaffe ? Ah, j'avais pas fait gaffe à celle-là. Faut croire qu'elle était remarquablement stupide, que je m'étais... remarquablement subtil, pardon, je m'étais trompé. Voilà, c'était très fin. Non, c'est... Ou alors c'est juste que dès les 5 premières minutes du film, j'en avais déjà plus rien à foutre. C'est possible aussi. Et ouais, là, on va avoir le début du traitement des persos. Le héros avec ses flashbacks de l'Irak, c'est pas bien subtil. Non, alors que ça aurait pu l'être beaucoup plus, mais dommage. Oui. Après, est-ce que ça aurait apporté grand-chose à l'intrigue, même en étant plus subtil ? Bah, le problème, c'est que c'est utilisé de manière plus comique qu'autre chose, alors que c'est le genre de chose qui devrait être plutôt utilisé de manière dramatique, mais bon. Ouais. Bah, le souci, c'est qu'à peu près tout est utilisé de manière surtout comique. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui est pris au sérieux dans le film. Oui. Nicole, dès qu'elle a une interaction avec un mec, c'est pour le draguer. Oui. Voilà, c'est vraiment, ce perso ne sert qu'à ça. Et j'ai l'impression que c'est assumé par les réalisateurs qui, dans les interviews, parlent beaucoup d'avoir mis les actrices en bikini, quand même. Ah ouais ? Voilà. Eh ben... Bah, pas bravo. Et en effet, celle qui est censée être pas fun dans le groupe, qui est censée tenir le rôle qui était assez récurrent effectivement dans les slashers des années 80-90, de la fille sérieuse, qui est souvent la final girl en réalité, oui. Très vite elle se comporte exactement comme les autres dans le film. C'est ça, en fait, tous les personnages sont le même personnage, c'est ça qui est très bizarre. Tous les personnages féminins en tout cas. Oui. l'amont, il apparaît aussi vite qu'il ne disparaît dans le film, donc lui, il a pas trop le temps de se développer. Oui, on va dire que c'est pour respecter le code du personnage noir qui meurt en premier, c'est sûrement juste pour ça. Et voilà. Justement, lui, bah, tu peux parler de la scène de sa mort, hein, si tu veux. Ah, bah, il est en train de faire le plein dans une station-service. Là, il est tout content parce qu'il y a sa musique qui passe à la radio. Donc, il se met à danser. Nanana. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans la scène, parce qu'on voit un personnage au loin qui le guette et qui, à un moment, disparaît. Et il y a deux gamins, alors là, gros clin d'œil aux enfants du maïs. Ouais. Deux gamins qui le regardent de loin. Lui, il essaye de leur parler, mais il leur répond pas. Bon, il a pas l'air de plus s'inquiéter que ça. Il se rassoit. Sa mort, elle est incroyable. Il se rassoit derrière son volant. Il saisit son volant, et là, quelqu'un a mis de la glu sur son volant. Et du coup, il ne peut plus s'en aller, et il se fait trancher la gorge. Voilà, c'est super. C'est l'une des morts probablement les plus ridicules que j'ai pu voir de toute ma vie de cinéphile, je pense. Surtout qu'il n'y a vraiment pas de... Par la suite, il y a des moments plus gore dans le film, mais là, quand il se fait trancher la gorge, il n'y a pas du tout de sang, au final. Ah si, quand même. Ouais, pas beaucoup, quand même. Oui, non, mais ça gicle pas de ouf, mais il y en a quand même. Mais ce que tu... Enfin, là, déjà, je veux bien que, des fois, il faut laisser sa suspension d'incrédulité loin. Mais là, genre, il est à côté de sa voiture tout le temps. À quel moment quelqu'un a pu rentrer, mettre de la glu sur le volant, je comprends pas. Quand il était en train de danser, j'imagine. Ouais, enfin. Il était vraiment très concentré sur sa musique. Oui, si on veut. Mais voilà, le premier personnage meurt comme ça. Et bah forcément, du coup, pour faire la blague du personnage noir qui meurt en premier, bah voilà, c'est lui. Sachant qu'avant, il y avait une scène où j'ai l'impression qu'elle était vraiment improvisée, tu sais, toute celle où il est dans sa voiture en train de parler, j'avais vraiment l'impression que les dialogues étaient improvisés parce qu'il répétait sans cesse les mêmes choses. J'ai l'impression qu'il lui avait donné une très vague direction, mais que ça s'arrêtait là. C'est ça, ça n'a ni queue ni tête. Ce cliché, en fait, tourné de manière ironique, au final, ne l'est même pas, parce que c'est tellement brut que tu te dis, bah, où est la vanne, en fait, où est la moquerie du cliché, je comprends pas. Ça, surtout que ce cliché-là a déjà été moqué maintes et maintes fois de manière beaucoup plus rigolote, slash subtile, mais alors que là, en fait, c'est même pas une moquerie. C'est juste, bah, le personnage meurt, c'est tout. Bah, c'est ça, en fait, je vois pas à quel moment c'est une moquerie. C'est juste une application du code, mais en ayant conscience, mais ça le moque pas. Oui, c'est ça, ça le détourne pas, y a rien du tout, quoi. C'est juste, bah, le code est là. Bah, les gars, je croyais que votre but, c'était de vous en moquer. Ouais, voilà. Mais non, non. C'est très étrange. Ouais. Ouais, c'est très raté, je pense que c'est surtout ça. Oui, surtout. En plus, le personnage vraiment se comporte comme un personnage de cartoon, dans le côté, bah oui, il danse en entendant sa musique préférée, t'as du mal à le prendre pour un vrai personnage. Il y a plein de séquences un peu cartoon, hein, avec oui. Des fois des bruits... Bah genre, quand les personnages décident que c'est lui qui va aller faire le plein, tu sais, t'as une espèce de petit jeu entre eux, où genre, ils se touchent le nez rapidement, et c'est le dernier qui le fait pas qui va faire le plein, oui. Et du coup c'est lui. Mais quand chacun se touche le nez, t'as un bong de dessin animé, genre t'as vraiment un petit bruit, tu fais bah, c'est très bizarre, parce que ça sort de nulle part, et ça n'avait jamais été utilisé avant, et puis ça sera pas forcément utilisé après. Ouais. Pendant ce temps, sur le bateau, les autres font du bateau, il y a toute une séquence de ski nautique, j'imagine que c'était un moyen de faire passer une après-midi détente en frais de production. Ouais, une séquence en ski nautique ultra mal tournée, avec un traitement de la lumière dégueulasse, ouais. Vraiment. L'image, elle est sursaturée, c'est incroyable, quoi. Ah, déjà, la lumière, en général, elle est pas réussie, mais alors quand ça s'agite un peu, forcément, oui, il gère plus. Bah, c'est ça. Vraiment, si, en fait, cette séquence de ski nautique, dans ma tête, bah, j'ai eu la séquence de ski nautique de Piranha, de Alexandre Aja. Qui est tout aussi beauf, mais 10 000 fois plus réussi. Et au moins là, c'est beauf voulu, et c'est vraiment moqué chez Aja. Oui, bah, le film d'Aja assume beaucoup plus d'être une sorte de délire beauf et rigolard. C'est avec l'équipe de porno, en plus, dans mon souvenir, la séquence de ski nautique. Ouais, c'est ça, ouais, c'est avec des actrices, ouais. Ouais, ouais. Mais oui, ça m'a renvoyé ça, de mémoire, la séquence de ski nautique de Piranha. Alors moi, ça m'a fait penser à House of the Dead, parce qu'on a une blague vomi. On applaudit la blague vomi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. qui sort vraiment de nulle part. Non, c'est juste histoire de mettre du vomi. Et qui est même pas bien fait en plus. Une espèce de pâte à dentifrice blanche. Non mais c'est vrai, c'est ça. Et puis, alors c'est un peu étrange pour revenir au personnage de Ronnie, parce que c'est lui qui vomit et qui donc se fait déposer près de la maison parce qu'il est malade en bateau. C'est un peu étrange à la réflexion que ce soit le personnage fan de King qui soit autant un connard et autant quelqu'un de malsain. Parce que du coup, quel message ça fait passer sur ce que sont les fans de King? Ah oui, c'est vrai ça. Donc je sais pas, est-ce qu'ils en avaient conscience? Est-ce qu'en réalité, en secret, ils aimaient pas du tout Stephen King? Peut-être. On est peut-être des connards malsains avec ça, mais on s'en peut-être, ouais. Je sais pas, j'ai jamais fait de skinotink, je peux pas me rendre compte. J'ai jamais vomi sur les pieds de quelqu'un. Ça, faudrait que je redemande certaines soirées où j'étais bourré, mais... Certaines soirées beuveries. Voilà. Dans le doute. C'est ça, je ne crois pas, hein, mais il faudrait confirmer, là. Alors, dans le genre exposition bourrine, il y a Nicole qui va demander à la sœur... j'ai entendu dire que tes parents sont morts. Ah oui, oh, mais ça sort tellement de nulle part. Mais comment tu peux dire ça à quelqu'un? Oui. C'est incroyable. C'est ça, genre dans la conversation comme ça, sans sujet, sans rapport. Waouh. Mais tu te dis, mais comment ça? Mais mis à part avoir un gros syndrome autistique et d'avoir zéro empathie, mais jamais tu peux poser ce genre de questions en fait. Oui, et le personnage est absolument pas traité comme ça. C'est une personne totalement neurotypique, totalement débile, mais totalement neurotypique. Donc voilà, c'est ça. Donc même en étant bête, tu poses pas ce genre de questions. C'est quand même étrange. Oui. Et encore une fois, cette idée-là des parents morts dans la jeunesse, c'est un truc qui a pu être utilisé dans des films d'horreur, avec l'idée du tueur qui revient pour les enfants des années plus tard, mais là c'est pas le cas a priori, y a rien qui indique que les parents auraient été tués par la même ville. Non, c'est vraiment un dialogue qui ne sert à rien. Ouais. Ça justifie peut-être que les personnages soient traumatisés, mais enfin bon, ils vont être poursuivis par des tueurs, donc y a pas tellement besoin qu'ils soient plus traumatisés que ça. Oui, c'est vrai que bon... Ils vont connaître bien pire bientôt. Ouais. On continue dans le défilé des scènes malsaines, avec la scène où les filles parlent de leurs expériences lesbiennes, là. Ah oui. Non, c'est une espèce de... C'est un jeu à boire où tu dis un truc que tu n'as pas fait, toi, et si quelqu'un autour de la table l'a fait, il doit boire. Voilà. Ouais. Mais donc, du coup, forcément, vu l'ambiance beauf du film, vous vous doutez... Je dis vu l'ambiance beauf du film, mais en général, des jeux comme ça, même entre potes, t'as toujours quelqu'un qui fait tourner ça en mode question un peu cul. Oui, c'est du jeu, ambiance beauf. Parce que c'est du jeu, mais voilà, mais là, forcément, vu l'ambiance du film, vous vous doutez du genre de question. Ouais, on en aura quasiment... Non, on en aura deux de questions, une sur la virginité, pour rire de Ronnie, et celle sur les expériences lesbiennes, pour mettre un baiser entre deux des actrices. C'est voilà. Vraiment, la scène, elle a été écrite une main dans le pantalon. Hein. Ah oui, oui. Enfin, vu qu'ils écrivaient à trois mains dans le pantalon, mais bon. Mais des mains dans le pantalon de chacun, ou ça, on sait pas vraiment. Ah, ça, je ne sais pas. J'ai noté, pour continuer le suivi, qu'à un moment, Ronnie feuillette un livre pop-up, La petite fille qui aimait Tom Gordon, et il a l'air très beau. Ah oui, le livre a l'air joli. Ouais. Bah, il est très très mal filmé, mais... Ouais. J'ai regardé, il est pas très cher, donc je me le prendrai peut-être à l'occasion, parce que j'aime bien les livres pop-up, et celui-là a l'air magnifique. Ok. Surtout qu'en plus, c'est un de mes King préférés. Tu vois, c'est le genre de passage où tu dis, bah si, en fait, ils aiment bien l'œuvre de King. Parce qu'ils montreraient pas ça pendant au moins 2-3 minutes, quoi. Ouais, c'est vrai que la si scène vraiment, dure longtemps. Ils aimaient pas. Bah oui. Très étrange. Surtout que t'as vraiment un défilé de bouquins, parce qu'il est dans une bibliothèque uniquement consacrée à King. Donc là, ça y va, ça y va la publicité. Ah, il a eu une bonne publicité gratuite. Enfin, une bonne. Il a eu une publicité oui, gratuite. Voilà. Ah oui, par rapport à la station-service, j'avais pas fait gaffe. Enfin, j'avais oublié. Je trouve que le... Je sais pas si c'est le pompiste, en tout cas, un des mecs ressemble un peu à Kubrick. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Je sais pas si c'est volontaire, du coup. Et celui qui boite. Ouais, c'est ça, celui qui est très barbu. la fin du film, on... parce que c'est vraiment, moi, c'est à la fin du film que j'ai compris qu'il boite. Hein. C'est au moment de la révélation de c'est lui, parce qu'on voit le tueur boiter. Bah oui, moi aussi, parce qu'on le voit quasiment jamais en pied avant. Bah c'est ça, je me suis dit, bah, faites pas genre, c'est une révélation, on l'a jamais vu boiter avant, les gars. Le cadavre de Lamon est retrouvé. En 1000 morceaux. Ouais, c'est ça. Éparpillé façon puzzle. Ah, bonne ref. Vous allez voir qui c'est Raoul. Ok, j'admets la ref. Voilà, ici on sait faire des références. Là, on peut se demander pourquoi les personnages ne partent pas, parce que c'est quand même un peu traumatisant. Ils ont retrouvé leur pote non seulement mort, mais vraiment découpé, comme on disait. Bah, c'est ça, ouais. Peut-être une bonne raison pour interrompre les vacances, quand même. Un bras, des intestins. Ouais, oui, il y a vraiment tout séparé. Enfin, des intestins, des saucisses achetées au Lidl du coin, peinturlurées en rouge, mais bon. Oui, ils ont fait l'effort, ça va. Don't you think it's strange that all of this is happening where Stephen King lives? What was Lori wearing before she left? Oh God, not now, Ronnie. No, when we buried her, she had on a sailor cap. Did she have that on before? What the fuck does that have to do with anything, you pervert? If you would just listen to me, you would learn that in the Stephen King short story, The Man Who Loved Flowers, a character wearing a sailor top was killed with a hammer. Lori wasn't wearing a sailor top. How do you know she was killed with a hammer? Guys, this is my girlfriend you're talking about. Well, technically ex-girlfriend. Sorry, I didn't say Lori was killed with a hammer. I just said that the character was, and her head was crushed like it. Her head was crushed? Ronnie, you're not helping. Okay, well, what about Lamont? What about Lamont? Did a character get killed by an animal in what? Stephen King's 210th novel? Well, wolves do kill the kid in The Stand. Ronnie. You're right. He was under the control of the dark man, Randall Flagg. Ronnie. Look, how did Lamont die? You are being morbid. Just tell me how he died. Fuck you, Ronnie. You want to know how Lamont died? He got torn limb from limb in the minivan. They found pieces of him in the front seat, pieces of him in the back seat, and whoever or whatever did this took his head along with him. Are you happy? Oh my God. Wait, if he was torn apart, how do you know it was him? I saw his arm, the one with the tattoo. Wait, his arm was severed? Yeah, it was, at the shoulder, like a chicken wing. Jesus Christ, Monroe. Oh, he wants to know, so I'm telling him. I don't want to know. God, you think he should have been ripped off. That's enough! I'm not listening to any more of this! Was his arm cut apart or torn off? Was the flesh ripped or sliced? Ooh, were there bite marks? I'm not having any more of this conversation with you, okay? Then how do we know it was an animal? If his arm was sliced, then somebody, not something, did this to him, and your suspicions might be right. We could all be in serious danger. Don't you think two of our friends dying qualifies us for serious danger? No, not just serious danger. Stephen King danger. Là, ensuite, il y a l'attaque dans la forêt. Enfin, il y en a plusieurs qui se font attaquer. Là, je commence à les... Parce que les deux filles, autres que la sœur, se font tuer de manière assez proche. L'attaque au marteau. Ouais, c'est ça. Qui est, en termes de réalisation, nul. C'est illisible. Oui. On comprend rien. Bah, surtout que la manière dont s'était isolé le personnage ne marchait pas. Elle s'était isolée parce qu'elle s'était disputée avec son copain, parce que la bimbo avait embrassé Monroe sans raison. Ah si, pour faire fuir l'autre qui revenait pour s'excuser, là, le pervers psychotique. Là. C'était juste pour le faire fuir qu'elle l'embrassait ? Oui, parce qu'elle l'a entendu arriver, donc... D'accord. C'était pour ça. Mais oui, c'est nul. Hein. Je suis d'accord. Ah ouais, bah, j'avais même pas compris, tu vois. Et c'est encore plus affligeant maintenant que je sais, je crois. Et là, justement, quand la petite amie meurt, il y a Monroe qui veut l'enterrer derrière la maison, mais certainement pas. Oui, tu te dis, bah non, faut la rapatrier chez elle, en fait. Voilà, c'est ça, faut appeler les flics, faut la rapatrier chez elle, parce qu'ils savent pas que les flics sont dans le coup à ce stade-là, donc... C'est vraiment bizarre. Et Ronnie qui constate tous ses morts et rien ne le touche, c'est toujours autant un connard. Oui. Ah oui. Il est en mode, ah bah ça va, c'est pas moi qui l'ai tué, gna gna gna, me relever de cette tête, allez, ça continue, voilà. La vie continue. Il est vraiment détestable, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, quand Monroe va retrouver des affaires de sa petite amie, l'affaire sur laquelle il jette un regard mélancolique, c'est son soutif, quoi. Oui. Là, ça réussit à être beauf. Tu te dis, mais comment ça? Incroyable. Et là, Monroe commence à comprendre quelque chose par rapport au tueur. Que ça a un lien avec les œuvres de King. Ouais, effectivement, que le tueur tue comme dans des œuvres de King. Surtout des nouvelles, j'ai l'impression, qui sont citées. Ouais, c'est même que des nouvelles, je crois. Et pas parmi les plus connues. Donc, est-ce que c'était pour essayer de faire des références un peu plus subtiles? Je ne sais pas, mais effectivement, ça tape pas dans les œuvres ultra célèbres. Ouais, voilà. La petite amie est tuée au marteau, par un mec au marteau avec une casquette de marin. Ça, c'est comme dans une nouvelle qui s'appelle L'homme qui aimait les fleurs. Ouais. Le meurtre de Lamon, c'est comme dans Le printemps des baies. Et sans qu'on comprenne bien pourquoi, il y a Monroe qui commence à comprendre que peut-être les gens se font tuer quand ils sont bruyants. Oui. Bon, ça, je sais pas trop d'où il le sort. C'est vrai que ça sort de nulle part. Hein. Mais effectivement, c'est ce que lui comprend. Ouais. Là, on a la bimbo qui prend une douche pour mettre la scène de douche avec une musique de film érotique, parce que c'était ce qui manquait à ce film, clairement. Oui. C'est vrai que la musique est... Qu'est-ce qui leur est passé par la tête, quoi. Bon, bah, en même temps, il y a Ronnie qui est en train de la mater et de se branler, hein, en même temps, donc bon. C'est le mauvais goût qui leur est passé par la tête, ouais. On sait très bien ce qui leur passe par la tête. J'ai vraiment l'impression que toutes les scènes sont juste pour mettre les actrices dans des tenues peu habillées. Parce qu'après, il y a le rêve de Ronnie aussi. Oui. Est-ce que tu saurais le raconter, celui-là? Est-ce que tu t'en rappelles assez Non, franchement... T'as déjà effacé ça de ta mémoire? Ah oui, j'ai effacé ça de ma mémoire. Bah, il fait un rêve de la scène de salle de bain de Shining. Ah oui, si. Avec et puis ça change de nana à chaque fois. Oui, voilà, ça, bah oui, autant pouvoir mettre les trois à poil. Voilà. Et après, ça devient Lamont en version Gripsou. Version Gripsou, oui. Mais avec un joli éclairage, un côté moins beauf, la scène aurait pu être très jolie. C'est ça qui est con. Ouais. Avec un côté moins beauf, si on avait réussi à oublier que depuis le début, toutes les occasions sont utilisées pour mettre les actrices à poil aussi. Oui, voilà, en fait, c'était la toute première. Ouais. Lamont en Gripsou, mon dieu. Ah oui, cauchemars. Ah bah au moins, ça fait peur. Ah putain, incroyable. Nicole quitte la maison sans raison et se fait étouffer dans du sable comme dans la nouvelle Sable. Sachant qu'on ne le voit, on ne le voit pas du tout, son crime. Hein. On retrouve son cadavre avec la bouche remplie de sable. Du coup, ils accusent tous l'autre con, là. Ouais. Ah, en même temps qu'il a un comportement ultra suspect, hein, on peut pas lui retirer oui, ça. C'est vrai. Là, voilà. Et donc là, ils ont l'idée du siècle, puisqu'on essaie de les tuer comme dans des livres de Stephen King. Ils décident de se défendre comme dans des livres de Stephen King, donc ils vont relire plein de ses livres pour trouver des idées. C'est complètement con. Oui, c'est ça, ça me paraît approximatif, étant donné que ça reprend que des nouvelles où le tueur gagne à la fin, je crois, donc bon. Mais pourquoi pas? Et là, il trouve l'idée géniale de reprise donc, au dernier barreau de l'échelle. Donc le plan, c'est de grapper en hauteur via une échelle. Est-ce qu'il y avait besoin de lire 150 romans de King pour savoir monter à une échelle? Non, je pense pas. C'est... Mais bon, ils arrivent quand même à se faire avoir, donc... Oui, c'est bien la preuve que le plan était nul. Et qu'eux sont très cons. Mais je sais pas, il y a des bonnes idées en plus, j'imagine, pour se défendre des fois dans certains King, j'imagine. Là, j'en ai pas en tête, mais fatalement, il devait en avoir, oui. Ouais, bah, ça aurait pu être amasser des cailloux comme dans ça, ne serait-ce que ça, faire référence à la bataille de cailloux, ou... Oui. Je sais pas, il y aurait eu des trucs à prendre. Mais la bataille de cailloux, il doit y avoir des droits dessus, je pense. Du coup. Ben, je sais pas comment ça se passe. C'est peut-être pour ça qu'il n'emploie que des nouvelles, au final. Non, parce que normalement, il y a un droit à la parodie. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça m'étonnerait que tu payes quelque chose pour faire référence à une scène d'un livre en la parodiant. Oh, tu sais, les States... On sait jamais. Faudrait se renseigner, mais comme on a quand même eu toute une vague à un moment de films parodiques façon Big Movie ou même Scary Movie, oui, même bah, si les Scary oui, Movies voilà. sont quand même un peu au-dessus. Voilà, pour citer le vrai premier à avoir lancé, enfin non, c'est pas le premier, mais c'est celui qui a vraiment popularisé le genre, Scary Movie. Oui, c'est ça. Il fait référence à énormément de films, et c'est pas un gros budget, à mon avis, s'il payait des droits sur tout ce qui est référencé, tout le budget, il serait passé. Hein. Oui, clairement. Mais donc voilà, leur truc, c'est de monter à une échelle. Bah, pour l'avoir, pour voir le surarriver et l'avoir par surprise. Attention. Ouais. Incroyable. C'est ça. Ou pas. Mais donc, comme tu dis, ça ne va de toute façon pas marcher. Et tous les derniers personnages vont se faire tuer en relativement peu de temps et de manière pas très lisible parce que c'est mal filmé et il fait sombre, donc là... Bah, et puis surtout, ils vont commencer à s'entretuer avec l'autre psychopathe, là, avec ouais. l'autre con. C'est ça, la première à mourir, c'est la sœur, Hillary, qui tombe de l'échelle. Effectivement, c'était pas la peine de monter. Bah surtout, je pensais vraiment... Quand j'ai vu la scène, je me suis dit, bah non, elle peut pas être morte comme ça, quand même. Oui, la chute a pas l'air particulièrement douloureuse. Ça, c'est qu'on est trop habitué aux chutes totalement rocambolesques au cinéma, peut-être. Oui, parce que c'est vrai que normalement, dans la vraie vie, tu tombes de cette hauteur. Si tu tombes de mauvaise manière, bon bah voilà. Mais là, elle a l'air de tomber sur le dos, quoi. Ouais. Mais bon. Et effectivement, les deux derniers vont commencer à s'entretuer. J'ai compris les raisons, mais elles sont quand même pas très bien présentées, quoi. Bah parce que l'autre, parce que ça y est, la révélation est là, c'est effectivement Stephen King qui les tue, c'est lui le tueur. Ah ah, Mais eux, ils le savent. Oui, si, Ronnie en a conscience. À ce moment-là, il le sait. Ronnie en a conscience, effectivement. Ronnie en a conscience, et à ce moment-là, l'autre, il le sait. Parce que, tu sais, on voit les fameuses, donc on voit les lunettes tomber, on pense ouais. que c'est... Alors quand il y a un petit twist à la fin du film, mais on y reviendra. Et donc l'autre, il fait une remarque comme sur les bouquins là, écrits par King, je sais plus ce qu'il dit exactement. Et à ce moment-là, l'autre intervient pour empêcher Ronnie de tuer le tueur. De tuer le tueur, c'est rigolo ça. Bon, c'est l'inverse, c'est Ronnie qui intervient pour empêcher Monroe de tuer. C'est Ronnie qui veut ah oui, que King continue à écrire. Oui, voilà. Oui, parce que l'autre, il lui dit, mais non, il faut pas le tuer, on va se contenter de l'envoyer en prison, parce qu'en prison, il pourra toujours continuer à écrire, ce qui n'est pas faux. Oui. C'est vrai. Même si j'ai pas souvenir d'auteur qui ait connu un succès majeur en ayant écrit exclusivement en prison. Et puis surtout en ayant tué des dizaines de personnes avant. Oui, aussi, bon, ça, c'est lui. Disons que ça donne plus trop envie de lire leurs œuvres. L'auteur du Salaire de la peur, je crois, a écrit en prison. Ah ouais ? Et je sais plus s'il était connu avant ou pas. Pourquoi il est allé en prison ? Il était communiste ? Ben, je crois qu'en plus il y a une histoire comme ça, hein, c'est politique. À l'époque c'était un truc récurrent. Son petit séjour en prison c'est politique, majoritairement. Mais avant c'est politique, bon après il me semble qu'il a quand même buté quelqu'un, mais voilà, pour des raisons politiques. Ouais. C'est bon, si on n'a pas le droit à un petit meurtre de temps en temps, la cancel culture là, ça va. Oui, bon, après, si tu butes quelqu'un d'extrême droite, tu t'en fous. Oh là, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes avec le gouvernement. Pardon. Pourquoi je m'excuse ? Bah non, on s'en fout. Oui, non, on s'en fout. Mais donc, avant de se rendre compte que c'était King, il y avait toute la séquence où ils s'accusaient l'un l'autre aussi, où Monroe avait ses flashs du... pas du Vietnam, j'ai noté du Vietnam, mais c'est de l'Irak, et où il vire oui. à moitié fou lui aussi. Ça devient n'importe quoi, la fin, c'est très confus. Ah oui, ou l'autre, il... genre, il dit, attention aux grenades, et puis l'autre, il se met à l'abri, là, tu fais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ouais, ça n'a plus aucun sens. Là, c'est cartoon, là, on est dans un Tex Avery. Oui, voilà, c'est ça, alors que c'est censé être un signal peut-être un peu sérieux. Ouais. Et c'est con, parce que ça aussi, par contre, je trouve que la réaction PTSD au moment où l'autre, tu sais, recule, et donc sans faire exprès, il marche sur du papier bulle, et donc ça fait des petites explosions, et c'est ça qui réveille son syndrome PTSD. Ça, bien avec de meilleurs moyens et avec quelqu'un de talentueux derrière la caméra, ça aurait pu être bien. Ça aurait oui. pu bien rendre. Il aurait fallu du meilleur papier bulle, hein, parce que pour confondre le bruit du papier bulle avec une explosion, même en étant très très atteint par un PTSD, faut y aller. Ouais, mais là, tu sais, en situation de stress comme ça, comme le personnage l'est déjà à ce moment-là... À la limite, je veux bien... le croire. Ouais, je te trouve drôlement généreux avec le film. Non, tu réagis comme ça parce que le film entier est une grosse merde. c'est ça que t'as en tête, ça aurait été, peut-être, ça aurait été bien mené du début à la fin, peut-être que t'aurais pu te laisser embarquer. Et donc, la fin de la toute fin, quand tous les protagonistes sont morts, c'est de se rendre compte qu'en réalité, c'est pas que King qui tue. Oui, c'est tous les habitants de la ville. Ouais, c'est ça. Qui participent. En fait, on en marre du tourisme. Ils veulent être tranquilles. On se rend compte que du coup, Ronnie fait partie de leur communauté maintenant. Ouais, parce qu'il est fan de King. Voilà. Mais du coup, oui, il y a l'envie de d'être entre eux, de pas avoir le tourisme. Mais il y a quand même cette idée d'écrire des livres. Ça reste pour King, oui. Qui en profite. Oui. Il écrit un nouveau livre appelé The Quiet. Voilà, le calme. Voilà. Ce qui, en réalité, aurait pu être une bonne idée. Oui. L'idée du tueur qui... de l'auteur qui écrit ses livres d'horreur en tuant des gens. Ça aurait pu être une bonne idée. Mais du coup, l'idée aurait pu être renforcée si King avait accepté de faire le caméo, quoi. Parce que son caméo, il était là. Sans doute. J'imagine, oui. Mais bon. Je comprends qu'il n'est pas accepté. Et surtout, il aurait fallu que ce soit mieux traité tout du long, en mettant plutôt que des codes du cinéma d'horreur qui ont 30 ans, des codes de King récurrents de son œuvre, pour qu'on comprenne petit à petit qu'on est potentiellement dans une œuvre de King. Voilà, c'est ça. Parce que, encore une fois, les films d'horreur des années 80-90, c'est pas sa marque de fabrique à lui, quoi. Voilà, ou alors exceptionnellement sur certains points, mais pas ça. Tu veux faire les mecs font un film centré sur son univers et à aucun moment. Il y a un moment où Shining, il y a deux moments où Shining est évoqué, mais le pouvoir en lui-même du Shining ne l'est pas. Et tu te dis, c'est quand même tapé à côté, quoi. Oui, et puis ça traite pas de thèmes comme l'alcoolisme, ou même finalement ça traite pas vraiment du thème des personnages, des personnages auteurs, alors que ça aurait été des codes très faciles à reprendre et à mettre en avant, qui pour le coup sont très caractéristiques de King. Oui, voilà. Surtout au vu de la fin du film. Ça collait, quoi. Et c'est un échec. C'est un échec cuisant. Donc voilà comment finit le film, et en plus il est très mal fait, oui. Donc on ne vous le conseille pas. Oui, c'est très mal réalisé, c'est très mal joué, il n'y a vraiment rien de bon, quoi. Vraiment tout est acheté. On s'est sacrifié pour vous, mais n'y allez pas. Oui, voilà, surtout qu'il n'est pas si simple à trouver, il n'y a pas de DVD français, d'ailleurs tous les extraits sont en VO parce qu'il n'y a pas de doublage... là-dedans, mais bon. Ah, si encore il ne durait que 1h10, mais même pas, il dure 1h25, une connerie comme ça, même ça c'est trop long. Si encore c'était un court-métrage. Si encore ça n'avait été qu'une idée, ça serait même mieux, tiens. Oui, c'est ça. Se dire, ce serait rigolo de faire ça, et puis ne pas le faire, c'était peut-être le mieux. Voilà. Bon, on va vous diffuser une petite scène, on sait pas laquelle, elle sera en VO, donc je vais essayer de pas la mettre trop longue. Mais voilà. Ça sera probablement nul. Très certainement. Très bien, nous avons choisi une scène au début du film, vraiment au tout début, puisque c'est la scène de présentation des personnages, donc où ils ont leurs premiers échanges dans la voiture. Vous allez louper les cartons explicatifs qui donnent la personnalité de chacun, mais bon, voilà, hein, c'est... au pire, je peux passer à scène et vous les lire derrière, hein. Ah oui, fais ça. I can't read this damn map. Where the hell are we, man? Come on. First of all, you shouldn't be driving while reading. And second of all, this is a map of Massachusetts. We're in Maine. Who drove to Massachusetts? Lamon, le meilleur ami noir mascotte, pro de l'orientation. Il adore les blanches. Et pas le blanc de poulet, hein. Non, ni la drogue. Quoique. Peut-être le truc qui manque au film, la drogue. Oui, mais ça serait pas de la blanche. Ronnie, ultra fan de Stephen King, fan de porn. Ah oui, puceau malsain, c'était bien dit au début, j'avais oublié. Excuse-moi, sa description est très problématique aussi. Nicole, attention whore, la formule utilisée, donc le garde. Coquette auto-centrée et une grosse paire de personnalités. Oh non, non, I wasn't staring. Ronnie, this is the fourth time you pass something at Monroe just so you can look at Nicole's boobs. Hilary, petite sœur peste, Miss Je sais tout, trou noir de fun. C'est presque pire en le revoyant. I'm driving and I can even see you staring, man. Hey, why don't you stare at the road there, Morpheus? Why doesn't anybody stare at my boobs? Laurie, la petite amie interdite, brève de maternité. Une autre grosse paire de 3 petits points. What if you would let me? Hey. Wait till we're back. She's in the car with me. That's a start. We're not really going on a boat, are we? I can't believe you came along just to see Stephen King. Why else would I come here? To sing camp songs and eat shitty food off of a stick? You are such a freak. Hey, you okay? Hey, it's just music, right? Monroe, PTSD de la guerre du Vietnam, bab tout blanc, petit ami soumis à sa copine. Anybody hungry? Starving. I want to see Stephen King. We can eat anytime. Monroe, I'm hungry too. Hey guys, why don't we stop for a little bit? Voilà les descriptions. Incroyable. C'est ça. Et l'audio est à la hauteur. Hein. Leurs dialogues sont ultra vulgaires. On a l'impression qu'ils se détestent tous. On a l'impression, oui, on comprend pas pourquoi ils sont potes finalement. Ouais. Ce qu'on se posait régulièrement, mais dans les mauvais films d'horreur des années 80-90, ceux qui savaient pas installer leur groupe et qui rendaient tous les personnages odieux pour qu'on soit pas triste quand ils meurent, c'est pas un code du genre, c'est une marque d'incompétence. Ça, oui, ça voilà, sert à rien de reprendre ça. Mais oui, tous les personnages sont nuls. Et vu que tout est mal joué, bah... En fait, c'est le souci de beaucoup de trucs qui reprennent des codes des années 80-90. Là, celui-là, il arrive avant que ça devienne une mode et il le fait sur un autre genre. Mais en fait, ça reprend aussi les défauts de l'époque, mais en ayant conscience, encore plus conscience, que ce sont des défauts, c'est débile. Oui, tout à fait. Si on essaie de faire un truc comme à l'époque, autant au moins essayer d'en corriger les fautes. Bah oui, on est d'accord. Alors que là, non, ça n'essaie pas. Hein. Bah oui, ça se complaît même dedans en se justifiant en disant « Oui, c'est nul, mais c'est volontaire. » Bah oui, mais ça reste nul. Oui, voilà, c'est ça. Il y a zéro excuse, quoi. Ouais. Bah je propose qu'on passe au classement, hein, parce que je vais pas avoir grand-chose à rajouter. Oui, bah, le classement risque d'aller vite. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de classement décrit. Ouais, donc, effectivement. C'est toi qui ouvres le bal. Très bien, nous n'avons donc que le film à classer. Dans les films et adaptations en général, nous avons aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, mais il est peu probable qu'il soit dans le top 5. Et aux 5 dernières, nous avons Les Enfants de Salem de Larry Cohen, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler's Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan et Room 238 de Rodney Asher. Cette infâme merde pustulante complotiste de fils de... Bravo. où est-ce qu'on va mettre ça? On va mettre ça bas, déjà. Ah oui. Ah oui. On va mettre ça très très bas. Ah oui. Pour moi, bah, je regarde déjà dans le flop 5 en réalité. Ah oui, moi aussi. Ce que j'allais dire, il y a pas mal de trucs qu'on a mis au-dessus de The Mist, parce que The Mist avait le propos très très problématique sur le viol et sur le personnage gay. Sauf que là, il y a aussi plein de propos très problématiques, beaucoup plus dans le genre sexisme, etc., banalisé. Ouais, c'est ça, ouais. Mais les propos problématiques sont là aussi, donc il n'a même pas cet avantage sur The Mist. Donc ça va être flop 5, à mon avis. Ah oui, ça va, oui, ça, le film va bousculer le flop 5. Ouais. Quelle chance. Déjà, pour moi, c'est pire que Les Enfants de Salem, déjà. Oui. Larry Cohen sort du flop 5, il est content. Est-ce que c'est pire que Je suis dans The Corn Genesis? Celui de Joël Soisson. Bah, j'ai envie de dire oui quand même. Attends, j'essaie de me rappeler exactement. Oui, c'est celui qui était supra chiant, là. Oui. On n'avait rien compris à l'intrigue. Oui, oui. Enfin, ça résume pas mal le film. Mais oui, oui, oui, c'est pire. Parce qu'il était supra chiant. Il n'était pas bien filmé. Il était très mal rythmé, mais il était mieux filmé que ça. Mais il n'y a pas de message dégueulasse de merde dedans. Oui, aussi. Et du coup, à la limite, c'est... je le mettrais peut-être même en dessous de The Mangler Reborn. Ah, oui. Parce que The Mangler Reborn... qui était tout aussi mal branlé, mais... Voilà. Mais pas les messages puants. Ouais, il avait juste le fait qu'il commençait sur un plan nichon, quasiment, avec la nana qui prenait sa douche, mais le You Can't Kill Stephen King le fait à beaucoup plus grosse échelle. Oui, clairement. Après, est-ce qu'on le met en dessous de Dr. Sleep? Bah, je sais pas. Dr. Sleep a quand même au moins de meilleure qualité, c'est-à-dire visuellement déjà il s'en tire mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une ou deux scènes qui marchent. Dr. Sleep. Parce que c'était quand même insupportable le côté référence à King, très mal géré. Mais du coup, là, You Can't Kill Stephen King a aussi ça, donc. Oui, et peut-être en moins bien géré. Ouais. Pour le coup. Encore moins bien géré, ouais, ce qui est fort. Donc il mériterait d'être en dessous de Dr. Sleep. Ah, pas de Room 238, je pense, parce que non, vraiment parce que le truc complotiste dégueulasse, non. Voilà. Mais je le mettrais à l'avant-dernière place. Ah oui, oui, ça mérite. Ouais. Bah, je le mets là, allez. Allez. You Can Kill Stephen King, le nouveau 78 de notre classement. Le nouveau 79, du coup. Ah oui, le nouveau 79, pardon. Entre Dr. Sleep et Room 238, faisant, comme tu le disais, sortir Les Enfants de Salem de Larry Cohen de notre flop 5. Et donnant un peu plus de hauteur à Dr. Sleep. Ouais, c'est ça. De Mike Flanagan. On pensait pas que ça arriverait. On pensait pas que ça... Peut-être qu'un jour, il finira par sortir du flop 5. Hein. Peut-être. J'espère pas, parce que ça veut dire qu'on va devoir voir des trucs sacrément nuls hein, s'il sort du flop 5. Donc je ne le lui souhaite pas. Tu ne lui souhaites pas ou tu nous le souhaites je pas ne nous le... Oui, c'est plutôt ça. Je ne nous le souhaite pas. Très bien, bon, bah voilà, You Can't Kill Stephen King, c'était nul. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la mini-série Shining, réalisée par Mick Garris, une mini-série en 3 épisodes scénarisée par King. Oui, parce que la qualité va être au rendez-vous. Je pense pas que ce sera de ce niveau-là, quand même. Je pense que ce sera mieux que You Can't Kill Stephen King. On peut beaucoup critiquer et reprocher à Mick Garris, mais là, ce sera abusé. Ah oui, quand même. Vous pouvez, en attendant, nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, @ cinémarchiviste pour toi, @Chris-6 The Lost Tales sur Blue Sky, vu que moi je ne suis plus sur Twitter. Ouais. Vous pouvez nous retrouver tous les deux sur Twitch, toi sur la chaîne The Lost Tales, où tu es régulièrement en compagnie de Gensuga et de Tsum. Voilà. Gensuga, il fait encore des lives seul ? Oui, de temps en temps, oui. D'accord. Donc, des fois, Gensuga seul. Moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Archiviste du cinéma, où je fais du jeu et j'essaie de faire un live ciné une fois toutes les 2 semaines. Je mets des vidéos sur YouTube aussi. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir sur Discord. Les liens seront dans la description. Yep. Et en attendant, n'oubliez pas... que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut. Salut.